12, 18, observation, contre-ordre, impératif et négation. Impératif positif, lève-toi. Impératif négatif, non, ne te lève pas. Regarde-moi. Non, ne me regarde pas. Dans le cas d'un ordre négatif, le pronom se place devant le verbe.